Voilà tout ce qui parlait, je les baise, on va tous les baiser, on va tous les baiser. J'ai ôté de Milos, mon frère. C'est notre année, c'est notre année, c'est le tout. Ça y est, plus le temps de se reposer, je suis revenu pour reposer, je suis revenu pour m'imposer. La concurrence a déposé, ma destinée était tracée, on peut pas revenir dans le passé. Un bon instant qui tabasse, un gros code bien tracé, un sky histoire de se rincer. Je veux voir mes youvois danser, les gyros voir ambiancer. Biatch veulent se fiancer, les frérots veulent les coincer. VIP ont l'accès, tous les frérots dans l'excès. Et pour l'instant, n'est plein, c'est le frère qui ont jamais cessé. Tout le temps en train d'agresser, y'a pas le temps de décompresser. Par la vie oppressée, on veut tous finir aisé. La concurrence l'a baisé, ma richesse l'a exposé. Le rap français l'exploser, c'est le son pour mes gangsters. La concurrence est par terre. Boum boum boum, ça repart pour le second. Boum boum boum, tire dessus des morts en deux secondes. Zoom zoom zoom, jusqu'à ce qu'ils montent sur les ondes.